Dommage, non, c'est pas l'eau là. Non, là, Non. disons l'origine de la réflexion. En partie est du groupe de Bruges où il y avait Pisani. Et ça partit sur la question de la terre et de l'autonomie par rapport à l'usage de la terre. Après, avec l'élaboration, la mise en discussion de la politique agricole commune et les négociations, le rôle de l'Europe, cette discussion a apporté ce qui à ce moment était la CPE, la Coordination paysanne européenne, à se dire, mais nous ici, pof, on va nulle part. C'est beau de dire la PAC c'est méchante, c'est pas ça. Et là, le débarquement en Honduras et au Mexique, parce que c'est ça le bloc du pays, a fait qu'ils se sont confrontés avec d'autres paysans qui d'abord leur ont dit, mais vous les Européens, vous venez nous exploiter. Alors ça, le militant de la CPE solidaire internationaliste se fait taper sur la gueule d'un Hondurien qui lui dit, mais écoute, toi, tu es mon exploitant. Ça fait dur. Donc, c'est là que la discussion a commencé. C'est un peu ça, en 93, l'origine de la Via Campesina. Et la première phrase, comme je disais avant, apparaît en 94. Et c'est juste trois mots. L'élaboration au Forum de Rome, la délégation de l'MST pour rester au Brésil. D'ailleurs, la délégation a été payée par Crucevia, donc on les connaît très bien personnellement. Il s'était un peu débarqué là-dedans. À ce moment, il ne faisait pas encore partie de la Via Campesina, et il essayait de comprendre. Bien sûr, Lula, dans sa campagne électorale, s'est fortement inspiré, surtout dans la campagne contre la faim. André Zéro, là, oui, le poids de l'MST, le poids de l'approche était très fort. Et donc, c'est un peu ça. Alors, à ce moment, des États qui utilisent ça comme approche. Si on pense à l'Union européenne, à la PAC, comme une approche de souveraineté alimentaire, oui, je peux dire l'Inde, le Brésil, l'Argentine, la Chine font ça. C'est un peu faussé quand même. Je pense que la Chine, enfin, au moins dans les discussions qu'on a très rares avec eux, il y a toute une composante, surtout à l'Académie des sciences, qui pense en termes de souveraineté alimentaire nationale et surtout en termes de préoccupation d'une capacité à faire suivre une souveraineté alimentaire au type de développement qu'ils ont. Et là, il y a un peu l'explication, le retour à la terre qui a été un peu poussé dans les années, là, les dernières 2 années. Donc, il y a une réflexion. Le problème, c'est qu'il est très compliqué de travailler avec la société civile chinoise. Mais ils suivent. C'est pas les silences. Je peux dire un mot sur la question du commerce. On n'a pas parlé, mais la circulation de biens alimentaires qui n'était pas présente. Il y avait justement une phrase en 96 qui disait nous poussons pour une circulation de biens alimentaires qui soit court dans l'espace et dans le temps. 96, c'était pas mal, c'est une phrase. Et la réflexion sur le mode de production, c'est de là qu'on est parti pour dire quel type d'alimentation on va. Et quand on parle de l'approche, disons, agroécologique, c'est pas parce que c'est une approche économique ou c'est la technique de l'agriculture bio. C'est un système de production qui est étroitement lié à la qualité des aliments qu'on peut sortir et c'est pour cette base-là que se refait l'organisation. L'élaboration sur comment leur faire circuler, disons, le produit qui serait le résultat de l'agriculture paysanne qui lutte pour la souveraineté alimentaire pour faire court, ça, la réflexion est très courte. Au congrès qui s'ouvre d'ici à une semaine, de la Via Campesina à Jakarta, le paragraphe, il est court comme ça. Je dois dire encore une fois que les Africains, surtout l'EuRoPA, Confédération d'organisations paysannes en Afrique francophone, un peu plus que 40 millions d'adhérents, donc c'est pas la conf. Hein, eux, ils ont un travail assez systématique sur quel type de marché, de commerce il faut organiser à l'intérieur du pays. Qui ne soit pas les commerces de proximité avec le petit cajou de tomates devant la porte, mais ça, une capacité de nourrir selon les habitudes, la qualité, et tous les discours qu'on connaît, un pays ou une région. Il se pose à niveau d'ECOWAS, il se pose à niveau de région. Et c'est très intéressant. L'avis sur ça, il est un peu plus attardé. L'Europe a beaucoup mitisé les groupes d'achat solidaire. Il y a quelque part un peu une théorie qui essaie de transformer tous les paysans en commerçants. Moi, je fais partie de ma famille depuis toujours. On ne veut pas être commerçant. On ne veut pas faire du fromage avec le lait et aller sur la place vendre ça. On trouve qu'il faut un système de décentralisation de la circulation de biens le plus court possible. Mais il y a place pour une petite industrie, il y a place pour l'artisan. Et il ne faut pas transformer tout le paysan en commerçant qui produit, qui vend devant chez lui. Mais c'est une discussion, c'est la partie la moins élaborée. Et on va venir peut-être avec un instrument de gouvernance après les semences, monsieur.